Le mois de mai, c'est le mois de l'arbre et la forêt. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien sait ce que représente la forêt. La coopérative représente plus de 35 camionneurs, transporteurs et chargements de bois, ainsi que des chargeuses en forêt. Les bureaux de la coopérative de camionnage sont situés au 905 boulevard Amel Saint-Félicien. Pour les rejoindre, composez le 418-679-4194. La coopérative de camionnage est très heureuse de souligner le mois de l'arbre et la forêt. On commence les entrevues à danradiosport.com aujourd'hui. Et pour recommencer nos activités, ben évidemment, on va parler de cette grande finale qui oppose les Huskies de Rouyn-Noranda aux Cataractes de Shawinigan. Il y a beaucoup de bleuets dans cette série qui jouent des rôles importants. Et on parle avec Gilles Bouchard, l'instructeur-chef des Huskies de Rouyn-Noranda, qui est natif de Normandie. Salut Gilles! Gilles, d'abord, ça a été quand même plus difficile dans la série contre Moncton que contre Drummondville et Blainville-Beaubriand, hein? Ouais, écoute, le monde, ils ne savent pas à quel point Moncton, c'est une équipe qui avait une belle profondeur, là. Puis, il faut pas oublier que c'est une équipe qui a sorti Gatineau, que des gens voyaient Gatineau au final. Fait qu'ils n'ont pas sorti Gatineau pour le faire. Moncton, ils ont fait plus de bonnes choses que de mauvaises choses comme Gatineau. Ça leur a permis de gagner. Maintenant, écoute, ça a pété. On savait que ça allait pas être facile contre Moncton, puis finalement, ça l'a pas été. Mais on a réussi à tenir notre bout malgré quelques épreuves, des joueurs expulsés, puis tout ça. Là. Fait que, l'important, c'est d'avoir. On a réussi à terminer. On dit souvent que c'est difficile, les séries éliminatoires. C'est pas du tout la même saison. Puis les Huskies de Rouyn-Noranda, vous êtes quand même favoris pour remporter les grands honneurs et aller à la Coupe Memorial. Est-ce que la pression est plus forte encore? Voilà. Écoute, c'est une certaine pression au début, là, mais à un moment donné, tu te concentres un match à la fois, tu te concentres sur le processus, non pas sur le résultat. Si tu vis ces résultats, ça peut pas fonctionner. Tu sais, nous autres, là, on est. Notre façon de faire, là, ici, puis les joueurs sont habitués, c'est pas de regarder trop en avant pour rien. Se concentrer vraiment une game à la fois. Puis là, la prochaine game, c'est mercredi. C'est ça qui est le plus important pour nous autres. C'est pas penser, on a fini premier au Canada, premier dans la Q. C'est vraiment, on se concentre vraiment sur la tâche, puis une game à la fois. Puis c'est notre façon de faire. On a fonctionné de même toute l'année. T'sais, on s'est pas dit, on va essayer de finir les trois premiers, on va finir où. T'sais, on s'était pas fixé d'objectif. Puis l'important, c'est le processus, notre façon de jouer, que les gars jouent dans l'identité de l'équipe. C'est ça. OK. Si on parlait maintenant de l'ambiance qui est en Abitibi actuellement, ça doit être Husky. La ville doit être Husky, hein? C'est complètement Husky. Écoute, c'est l'engouement incroyable. C'est notre arena, c'est 3700, puis c'est pacté. C'est du bruit, il n'y a plus d'en finir. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel de vivre un match à Rouyn-Noranda. C'est un beau privilège, c'est le fun pour l'organisation qu'on soit rendu en finale. Puis, c'est le fun pour nos partisans qui le méritent amplement. Si on parlait maintenant de cette série qui débute mercredi à Rouyn-Noranda, d'abord, avoir l'avantage de la glace, est-ce que c'est si important que ça? Tu viens de mentionner que la foule est intimidante à Rouyn-Noranda. Est-ce que, pour Gilles Bouchard, l'avantage de la glace est quelque chose de primordial? Bon, c'est certain que c'est intéressant d'être premier, là, parce que tu regardes hier, on est revenu hier soir à 10h de Moncton. On n'a pas à repartir tout de suite pour s'en aller à Shawinigan. Fait que ça change complètement l'organisation, là. Puis pour nous autres, ça nous donne tout plus de temps pour se préparer. Fait que ça a un impact majeur pour nous autres, là, dans la situation qu'on, c'est du fait qu'on a fini hier soir, que là, on a peut-être servir de bord pour jouer contre Shawinigan chez nous, mercredi soir, là. OK. Si on parlait de l'attaque des Huskies, c'est vraiment une attaque dévastatrice. Bouvier qui connaît une saison extraordinaire. Timajov également. Sans oublier Samuel Girard d'ici de Robertval. C'est une équipe on sait que les attentes étaient très élevées. On a remplacé l'instructeur par Claude Bouchard et Martin Bernard, oui. Et les Cataractes, ce sera pas une partie de plaisir pour les Huskies, loin de là, là. Non, c'est quand on est rendu en finale. L'équipe qui, après des années, les deux équipes qui sont en finale, c'est parce qu'ils font des bonnes choses, puis qu'ils ont des bonnes équipes, puis c'est le même cas cette année. Fait que, faut respecter l'offensive de Shawinigan. C'est l'équipe qui a marqué le plus de buts en série présentement avec 77. Fait que ils ont une excellente profondeur. Donc ça va être une série. Ces deux équipes se ressemblent quand même, ça va être une série intéressante. Et du fait qu'en plus, c'est Claude Bouchard à l'autre bord. Tu sais, c'est un entraîneur qu'on vient tous les deux de Bois du Lac, lui, il vient de tourner. Fait que ça. Ça ramène un petit peu la fierté des Bleus qu'on appelle. Hey, dis-moi, ces deux gardiens de but, Chase Marchand qui a pas nécessairement joué qui a pas été nécessairement dans une série aussi importante que ça, en grande finale. Philippe Cadorette a manqué à deux reprises la chance de gagner ce grand rendez-vous-là. Est-ce que ça peut être un désavantage ou un avantage? Cadorette va vouloir certainement faire oublier. Non. Je pense que faut vivre le moment présent. C'est le gardien de but dans le moment présent qui va être le meilleur. C'est les défenseurs, l'équipe. C'est l'équipe dans le moment présent qui va mieux performer, qui va gagner la Coupe Président. Je pense pas que c'est juste une histoire d'expérience passée. Là, il faut juste faire attention là-dedans. Là, pis, Chase a une bonne saison, puis je ne verrais pas pourquoi il ne fera pas le travail en finale de la Coupe Président. Okay. Ben Gilles, on va te souhaiter la meilleure des chances. Ça va être une série qui promet. Ça risque d'être une série assez longue. On va se reparler certainement à la fin de cette grande série-là si l'équipe sera à la Coupe Memorial. Bon, ben, ça fait plaisir. L'instructeur-chef des Huskies de Rouyn-Noranda est natif de Normandin, Gilles Bouchard.